Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit là, tout de suite, avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, des chaînes à la productivité. La partie mécanique étant terminée, la carrosserie descend à son tour sur la chaîne. L'invention du management. Au management, il faut être intelligent, mais il ne faut pas être trop intelligent. L'amélioration des relations entre patrons et ouvriers crée un climat de détente même entre ouvriers. Un industriel place son argent, un banquier déplace le sien. Quand on est un grand industriel, on a le pouvoir de façonner le monde à travers les objets que l'on va produire en masse. Il y a des gens dont la puissance est faite de tout l'argent qu'ils ont prêté. Il y en a d'autres dont toute la force est dans l'argent qu'ils doivent. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Je m'appelle Pierre Lannoy, je suis sociologue et j'enseigne la sociologie à l'Université libre de Bruxelles. D'où vous vient donc ce goût de la sociologie ? Ah, il vient de loin, en fait, il vient de mes études universitaires où j'ai découvert cette discipline qui essaye de comprendre comment se tissent les liens au sein d'une société et de plus en plus aussi ce qui m'intéresse, c'est pas seulement les liens directs entre les personnes, mais c'est aussi les liens qui se tissent avec les objets, voilà, et notamment l'automobile. Chaque métier à ses outils. Pour les uns, c'est le tournevis ou le marteau, pour les autres, c'est le stylo-plume ou encore la palette et le pinceau. Mais vous-même, quels sont vos outils, Pierre Lannoy ? Mes outils sont ceux surtout en fait d'écouter et de lire ce que les gens, les acteurs, les entreprises font et disent. C'est ça l'outil du sociologue, c'est de regarder, de compter et d'écouter ce que font les gens autour de nous. C'est donc un métier qui, dès lors qu'on le pratique, amène à une certaine évolution, puisqu'on n'écoute sans doute pas pareil 20 ans avant et 20 ans plus tard. Que diriez-vous de la manière dont vous avez le sentiment d'avoir évolué, progressé dans votre écoute et donc probablement également dans les analyses que vous en déduisez ? Il est certain que pour poursuivre l'image, les oreilles ne sont pas attentives à la même chose à la fois d'une époque à l'autre et puis aux différents âges de la vie, c'est certain. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les discours que font les institutions, les entreprises sur elles-mêmes. C'est assez quelque chose qui m'étonne de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas que les personnes comme vous et moi qui parlons, mais il y a aussi les institutions, les entreprises qui ont une parole et des paroles, des discours. Et c'est ces paroles-là qui m'intéressent de plus en plus parce que je pense qu'elles sont extrêmement importantes, elles prennent beaucoup de place dans notre vie collective. Pierre Lannoy, je vous cite un des projets que partagèrent certains membres des élites industrielles et politiques dans la première moitié du XXe siècle, fut de développer une voiture pour tous. Aussi évidente que soit à nos yeux sa présence dans nos sociétés occidentales contemporaines, la vision d'une telle massification de l'automobile ne manquait pas d'apparaître à cette époque comme un incroyable défi, voire comme une idée insensée. Alors on va commencer cet entretien, si vous le voulez bien, Pierre Lannoy, par un quiz, mais vous aurez la réponse que n'auront peut-être pas celles et ceux qui nous écoutent. Qu'ont donc en commun Henry Ford, Louis Renault et Adolf Hitler ? Bien, c'est vous qui avez la réponse, Pierre Lannoy, donc je vous laisse faire. Eh bien, précisément, ils avaient cette idée que vous venez d'évoquer, c'était de créer cette voiture, ce véhicule que tout un chacun pourrait acquérir. Et c'est le point commun qui les réunit. Ils ont eu tous les trois, et d'autres aussi d'ailleurs, ce projet qui était effectivement, à l'époque où il s'est formulé pour les premières fois, c'est-à-dire dans les années 1910 pour Forte, et puis dans les années 20 en France, en Allemagne, cette idée un peu folle que, à la fois, on pourrait fabriquer, produire un véhicule qui coûterait relativement peu cher, et par ailleurs que l'ouvrier, le paysan, aurait suffisamment d'argent pour se l'acheter, et surtout en aurait une utilité. Ce qui, à l'époque, semblait une idée un peu folle. Et c'est cette idée-là qui est à la base de ce projet de voiture populaire, de voiture du peuple ou de voiture pour tous. Doch wir garantieren Ihnen, dass jeder Volkswagen, ganz gleich welche Ausführung, absolut autobahnfest ist und bei seinem bekannt niedrigen Verbrauch stundenlang höchste Reisedurchschnitte leistet. Probieren Sie es doch einmal selbst und wenden Sie sich gleich morgen an einen Ihrer Volkswagen-Händler. Dans notre trio, nous avons deux industriels, Henry Ford et Louis Renault, mais Adolf Hitler échappe à cette catégorie-là. Quel rapprochement possible peut-on faire entre le projet politique et le projet industriel ? Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose, des rapprochements qui peuvent sembler étonnants parce que on pense souvent la société, disons, comme étant faite de sphères séparées les unes des autres, la politique, l'économie, la culture, ce genre de choses-là. Mais en fait, il y a des points communs au-delà, de différences tout à fait avérées, mais il y a des points communs, notamment le fait que, aussi bien des grands hommes politiques au sens qui gouvernent un pays, donc qui ont du pouvoir, que des grands industriels, ont une vision de ce que peut être ou devrait être la société demain. Et quand on est un grand industriel, on a ce pouvoir, non pas politique, mais on a le pouvoir de façonner le monde à travers les objets que l'on va produire et que l'on va produire en masse. Et c'est bien l'idée à la fois de Henry Ford et de Louis Renault de produire une voiture et aussi d'autres objets par ailleurs, en masse, c'est-à-dire de façonner le monde, de faire en sorte que le monde de demain soit un monde où il y a des voitures. Eh bien, de ce point de vue-là, Adolf Hitler avait la même idée. Il voulait faire une Allemagne, un monde dans lequel tout le monde aurait sa voiture. Et donc, c'est sur cet aspect-là, je pense, qu'on peut les rapprocher. Un autre aspect aussi sur lequel on peut les rapprocher, c'est que sur la question de la production même de la voiture, l'organisation, la mise à disposition des moyens pour produire cette voiture, eh bien, ils sont seuls maîtres à bord dans leur entreprise pour Louis Renault et Henry Ford, et aussi pour Adolf Hitler, puisqu'on est dans un régime dictatorial à l'époque, et donc c'est lui qui décide de mettre en place ou pas les moyens pour développer cette voiture du peuple. Pierre Lannoy, vous avez recours à une expression « populisme automobile ». Qu'est-ce que cela recouvre ? Alors, ça recouvre plusieurs choses. D'abord, il y a cette idée de commune à ces trois producteurs d'automobiles, pour les appeler de cette façon-là, qui est justement cette idée que la voiture que tout le monde pourra acheter sera une voiture qui aura des caractéristiques techniques particulières. Si on veut qu'il y ait une voiture pour tout le monde, elle doit avoir certaines particularités techniques. La taille, la motorisation, l'idée d'une certaine forme de la famille qui va l'utiliser. Donc, les concepteurs ont une certaine idée de ce que c'est vivre la vie populaire. Et ça doit se traduire dans des formes matérielles, techniques, hein, celles de la voiture. On n'imagine pas à l'époque que la voiture populaire pourrait être une camionnette dans laquelle on met une grande famille. On imagine une petite voiture, légère, avec une série de caractéristiques techniques particulières. Premier aspect du populisme. L'autre idée dans l'idée de populisme, c'est que, en tout cas, ces trois personnages partageait l'idée que rendre accessible ce véhicule au plus grand nombre était faire œuvre sociale. C'était fabriquer un monde meilleur pour le peuple, un monde plus confortable. C'était aussi d'ailleurs leur donner du travail. Et donc il y a l'idée d'une sorte de mission sociale envers le peuple. Bien sûr, tout ça lié à l'idée de, bien sûr, de faire du profit industriel, mais quand même, c'est l'idée de la grande idée à l'époque du progrès. Hein, il faut savoir qu'à cette époque-là, construire des voitures, c'était le progrès. Aujourd'hui, avec les préoccupations écologiques qui sont fortement présentes, on n'a plus toujours cette idée-là, mais à l'époque, c'était participer au progrès. Et c'est ça aussi que j'appelle populisme dans ce sens-là. C'est une place qui est forte, qui est donnée à l'idée du peuple. Tja, einen Wagen müsste man haben. Dann brauchten Mutti und die Kinder nicht so lange zu warten. Vati im eigenen Wagen, das wär's. Wirklich, der VW ist ein Geschenk für die ganze Familie und er macht unabhängig. Ob alt oder neu, VW bleibt VW, auch als gebrauchter Wagen. Est-ce là la mise en place de quelque chose qui sera largement questionné dans le courant des années 60, à savoir la société de consommation, ou bien on a affaire tout de même à autre chose du fait même qu'une fois encore dans ce trio, il y a un certain Adolf Hitler? La question est très intéressante parce qu'elle, c'est évidemment de savoir quand commence la société de consommation. Et les rythmes ne sont pas les mêmes en Europe et aux États-Unis, mais il me semble qu'une idée particulière à cette époque-là et qui ne se retrouve plus tout à fait aujourd'hui doit être mise en lumière, c'est l'idée d'équipement national. À l'époque, toutes les grandes nations occidentales pensent qu'elles doivent s'équiper. Elles se sont équipées du train, elles se sont équipées des usines, elles sont en train à cette époque-là de s'équiper de l'électricité, par exemple, d'autres choses, mais aussi de l'automobile. Donc, bien évidemment, il y a un aspect de rendre accessible un certain nombre d'objets à la consommation, mais en même temps, ces acteurs pensent cette opération comme étant la manière d'équiper la nation, leur nation, justement pour qu'elle garde et conserve sa place dans le concert des grands pays occidentaux. Donc ce n'est pas seulement vendre un produit à un ménage ou à un consommateur, c'est au-delà de ça, vraiment fournir à la nation un équipement, un outil dont elle est, pour eux, censée avoir besoin. D'ailleurs, on sent bien que derrière cette question-là se pose aussi toute le retentissement, la communication politique d'une nation. On parle encore, et on aura parlé très longtemps, de fleuron national. Le fleuron national est repose sur l'industrie automobile. C'est elle qui est le propulseur, en quelque sorte, de la nation moderne. Tout à fait. Je pense que c'est effectivement, vous avez raison de souligner cette idée qui a, on pourrait dire, presque complètement disparu aujourd'hui. Effectivement, ce qui se joue, c'est une image de la nation, c'est l'image de la grandeur industrielle de la nation. Et même si on est sur des entreprises privées, hein, avant la Seconde Guerre mondiale, Renault est une entreprise privée, hein, on a cette idée qu'on va là avoir l'automobile de France, on va avoir l'automobile d'Allemagne, etc. Donc l'idée, effectivement, de construire une industrie nationale forte est très très importante. On voit un autre domaine à la même époque, mais qui est un peu sur le déclin à l'époque, c'est la question des, par exemple, des paquebots, les paquebots transatlantiques, où on a aussi une concurrence nationale très très forte, un peu ce qui s'est passé avec l'aviation par la suite. Mais donc effectivement, la dimension nationale est une dimension très importante et qui contraste aussi avec la situation contemporaine où les grands groupes industriels, que ce soit dans l'automobile, dans la téléphonie, dans tous les autres domaines, sont des conglomérats dont on ne sait plus très très bien s'ils sont d'une nationalité ou d'une autre, alors qu'à l'époque, les choses étaient très très clairement marquées, effectivement, comme étant d'une nation ou d'une autre. Pierre Lannoy, vous soulignez dans vos articles et dans vos travaux que la communication, la publicité qui va accompagner les lancements de véhicules, les lancements de voitures, c'est une communication assez particulière. Alors il y a l'image, la publicité, la communication écrite, mais la plupart du temps, dès lors qu'il s'agit de voitures, on se trouve soit sur la route, soit sur l'autoroute, déjà en Allemagne, en Italie, soit à la campagne, soit en forêt, également à la montagne, mais alors jamais, pour ainsi dire, jamais en centre-ville. La voiture promue par la publicité, on ne la voit pas en centre-ville. Pourquoi ? Alors, d'après ce que j'ai pu constater dans les documents que j'ai consultés, l'idée assez régnante à l'époque est que la ville est un lieu plutôt défavorable, démoralisant pour la classe ouvrière. Or, comme la voiture du peuple est justement destinée à élever, à éduquer, à donner un meilleur statut à la classe ouvrière, il y a, je pense, un lien avec le fait que cette voiture serait avant tout utilisée pour se rendre en dehors des villes. Elle n'est pas d'abord présentée comme un moyen de se déplacer au quotidien, hein, pour faire le trajet entre la maison et le lieu de travail, mais plutôt comme un moyen de sortir de la ville, de sortir du travail et d'aller vers des espaces de fraîcheur, de verdure, effectivement, de régénération, on pourrait dire, physique et morale de l'ouvrier. Le plus clair là-dessus, c'est Henry Ford, hein, qui a des écrits extrêmement impressionnants sur l'idée que la ville est vraiment délétère pour les ouvriers, qui est par ailleurs presque schizophrénique de sa part, puisque c'est lui qui a créé les plus grandes usines du monde où étaient réunis des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers. Mais en même temps, il y avait cette idée de la campagne comme étant un lieu salvateur pour la classe ouvrière. La coccinelle, la voiture la plus populaire de tous les temps. Une voiture de caractère, hors du temps, une voiture du peuple. Une voiture dessinée au cœur du Reich d'Adolf Hitler. Une voiture qui a gagné le cœur de chacun, partout dans le monde. Voici l'histoire de Joseph Ganz, le père oublié de la coccinelle. Un ingénieur juif dont le nom a été effacé de l'histoire, balayé par le pouvoir même qui avait fait de son rêve une réalité. Voilà un extrait du prochain documentaire d'Histoire vivante consacré à ce personnage mal connu, méconnu, voire totalement oublié. Pierre Lannoy, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de cette histoire de la coccinelle à laquelle vous avez travaillé pendant pas mal de temps avec un assez grand nombre d'articles. Tout d'abord, j'aurais voulu avoir votre avis critique sur ce documentaire. Comment l'avez-vous trouvé et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je l'ai découvert avec énormément de passion. C'est une véritable, on pourrait dire, enquête policière. Enfin, c'est le travail d'une recherche sur des archives où on découvre la vie d'un personnage, Joseph Ganz, effectivement, pleine de rebondissements. Donc, avec de très belles images par ailleurs. Donc, c'est vraiment un très, très, très beau documentaire qui met au jour, sur la base des travaux du journaliste néerlandais Paul Skilperoort, le destin d'un ingénieur automobile que l'histoire, de fait, a oublié. C'est une histoire que vous connaissiez, vous ? Mais je la connaissais depuis quelques années par l'ouvrage qu'a écrit Paul Skilperoort, qui est d'abord sorti en néerlandais, puis qui a été traduit en anglais. À ma connaissance, l'ouvrage n'a pas encore été traduit en français. Ja, gas. Cette auto ne pèse que 260 kg. La voici dans les rues de Francfort, où elle a été construite. À l'avant, des roues à suspension sans essieux. À l'arrière, des essieux oscillants. Elle peut franchir n'importe quel obstacle. On a affaire avec la coccinelle à quelque chose qui relève tout de même du phénomène mondial. Alors un mot d'abord sur Joseph Ganz, qui effectivement ingénieur doté de vision, va imaginer lui aussi, parce que ça semble être dans l'air du temps, cette voiture populaire, cette voiture pour tout le monde, cette voiture pour le peuple, mais il ne va pas seulement l'imaginer, il va aussi très concrètement la dessiner, la construire, la fabriquer petit à petit. Qu'est-ce que vous pouvez là encore nous dire ? Parce que c'est vrai que on rentre là, à proprement parler, dans votre propos justement, dans cette histoire de la fabrication de la voiture pour tous. Là, elle se fait sous nos yeux. Ah oui, tout à fait. Ce qui est extrêmement intéressant dans la vie de Joseph Gans et puis dans le documentaire, c'est que on voit que c'est véritablement une préoccupation de l'entre-deux-guerres, cette question de la voiture pour tous. On voit aussi quelque chose qui est commun à beaucoup de recherches à l'époque des ingénieurs automobiles, c'est que la voiture populaire, elle doit être petite, de petite taille, légère, etc. Donc elle a énormément de points communs entre les différents projets qui sont évoqués à l'époque. À l'époque, il y a énormément de projets qui sont évoqués. Les uns vont donner lieu à des véhicules qu'on va connaître par la suite. D'autres, beaucoup, vont disparaître dans l'oubli. Mais on voit qu'il y a vraiment là, les années de l'entre-deux-guerres sont des années populaires, au sens où tout tourne autour de la question du peuple, de son bien-être. Ça va être là aussi l'époque du Front populaire, de la création des congés payés, etc. Il y a aussi des questions encore du droit de vote. Enfin voilà, c'est une époque où on songe peuple. Et quand on songe peuple en automobile, on songe petit véhicule. Voilà, c'est une caractéristique de l'époque. Avec Volkswagen, pas de problème. La coccinelle, je le disais, est un véritable phénomène dans le domaine de l'histoire de l'automobile. Si l'on songe simplement à la profusion de films, de publicités, j'ai découvert que Louis de Funès avait fait pas mal de campagnes pour la coccinelle. Bien évidemment, et vous en faites état dans vos articles, de livres, d'articles, etc. Mais j'allais dire, en tant qu'objet traversant dans différentes couches de la société, c'est tout de même remarquable. On passe du nazi au hippie, en passant par Walt Disney avec ses 5 films, un téléfilm, plus une série télé autour de la coccinelle. On voit pas d'équivalence dans le domaine de l'automobile. Non, effectivement, c'est un modèle qui a aussi été produit très très longtemps, sur lequel l'entreprise Volkswagen a misé pendant très très longtemps. De fait, elle a pris beaucoup de visages, elle a été adoptée par beaucoup de monde. Certains disent aussi que c'est notamment pour sa capacité à pouvoir être réparée assez facilement, etc., donc avec des coûts moins élevés. En même temps, il faudrait quand même pas non plus tout à fait oublier des aventures comme celle de la Ford T, évidemment, qui est peut-être un peu moins, un peu moins familière aux Européens, mais qui a aussi pris toutes les formes possibles et imaginables, mais à une époque où, de fait, le cinéma était moins développé, où voilà, les alternatives sociales n'étaient pas les mêmes, hein, de fait. Et aussi, en Italie, Fiat Topolino, qui a marqué les esprits italiens, mais sans doute plus les esprits italiens que les esprits français ou francophones. Ce qui est assez remarquable, et pour en revenir d'un dernier mot à Joseph Gans, c'est que tardivement, donc, et c'est l'objet du documentaire, la famille ou des membres de la famille passionnés par ce personnage et ses travaux vont se rendre auprès de l'actuelle usine Volkswagen, vont essayer, lors d'une table ronde à laquelle on assiste un peu, de faire valoir toutes les inventions de Joseph Gans. Du côté de Volkswagen, on va rester prudent, méfiant, voire on va écarter un peu l'influence qu'a pu avoir Joseph Gans dans cette histoire, en gardant, d'une certaine manière, l'histoire officielle. Il y a à peu près, alors on va retirer le nom d'Adolf Hitler, mais c'est Ferdinand Porsche qui continue de l'emporter, même après des décennies et des décennies. Gans, Joseph Gans, reste encore l'inventeur oublié aux yeux de Volkswagen. Oui, c'est effectivement une scène très très impressionnante. Hein. Chacune pourra la voir dans le documentaire. Effectivement, cette scène d'une réunion d'historiens officiels de Volkswagen avec très dubitatif sur le rôle de Joseph Gans. Je pense effectivement qu'on peut interpréter ça de plusieurs manières, et notamment celle que vous avez soulevée, accepter l'idée de la participation ou du projet de Joseph Gans dans l'histoire de Volkswagen, c'est remettre en cause trois quarts de siècle d'histoire officielle de l'entreprise. C'est aussi substituer un nom inconnu à un nom prestigieux, hein, celui de la famille Porsche. Mais c'est aussi, je pense, un doute qui renvoie aux pratiques de l'industrie automobile, qui est effectivement, on va chercher des idées un peu partout, on est très attentif à ce que font les ingénieurs, les marques concurrentes, etc. Donc, d'où vient l'idée originale ? C'est toujours une question très, très épineuse. Et personnellement, en tant que sociologue, je pense que c'est évidemment toujours passionnant de chercher l'origine absolue, le premier mot, mais que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et aussi bien Joseph Ganz que Adolf Hitler, que Porsche, que Louis Renault, etc., c'était des milieux où tout le monde se parlait, on se lisait, et les idées circulaient. Donc, c'est pas tout à fait évident d'accepter, je pense, pour Volkswagen, l'idée que la coccinelle, enfin la voiture populaire viendrait uniquement de Joseph Ganz. Il y avait un état d'esprit général à l'époque, et par ailleurs, si je ne me trompe pas, Joseph Ganz n'a effectivement jamais fait officiellement partie de l'entreprise Volkswagen, même s'il était bien sûr tout à fait intégré dans le milieu automobile allemand de l'époque. Vous l'avez vu ? Oui, je ne sais pas ce que je déteste le plus, l'idée ou la voiture. Ils ont déjà fait le coup l'an dernier. Rappelez-vous, plus c'est petit et plus c'est beau. Une voiture européenne ? Aucune puissance, pas de chrome, moche. On peut dire ce qu'on veut, mais qu'on aime ou qu'on déteste cette publicité, ça va faire un quart d'heure qu'on en parle. El Clásico Volkswagen. Ein VW müsste man haben. Das Exportmodell für gut angelegte 4600 Mark. Comprar Volkswagen es comprar economía funcional. Tout dernier point, et c'est peut-être encore là la marque d'une exception concernant la Volkswagen, c'est que c'est une voiture, un véhicule qui, au lendemain de la guerre, sera censuré dans un grand nombre de pays. Dans un certain nombre de pays, plus exactement, plutôt qu'un grand nombre. Oui, elle a aussi d'abord été considérée par les Anglais qui ont occupé l'Allemagne, qui ont d'abord dit que ce projet ne fonctionnera pas, et puis qu'ils l'ont quand même lancé. Et puis effectivement, mais je pense qu'il y avait une image, une symbolique liée à cette voiture, qui est celle de sa naissance sous le nazisme. Et je pense que, de fait, certaines nations avaient du mal à accepter qu'un produit nazi soit acheté en grand nombre, soit vendu en grand nombre sur les territoires de ces pays-là. Voilà, je pense qu'on peut comprendre ça dans l'ambiance de l'époque. Une toute dernière image qui m'est revenue en tête en regardant ce documentaire, c'est une vieille publicité que j'avais vue il y a des années de cela, en noir et blanc, dans un magazine qui devait être un magazine de l'entre-deux-guerres. On y voyait en perspective une autoroute, une autobahn totalement vide, et la simple légende, trop tard, elle est déjà passée. Et c'était pour la coccinelle de chez Volkswagen. C'est dire la modernité. Oui, bien sûr, mais se sont inventées dans l'entre-deux-guerres les infrastructures de l'automobile qui existent toujours aujourd'hui. Pour le dire un peu rapidement, l'automobile d'aujourd'hui est toujours la même que celle de cette époque-là. Elle a intégré un peu d'électronique, mais le principe est le même. Donc oui, de fait, ça semble pour nous aujourd'hui très novateur, mais toutes les bases de l'automobilisme ont été posées dans ces années 20-30 avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous avez rendez-vous donc dimanche soir sur RTS2 pour découvrir ce documentaire tout à fait passionnant autour de Joseph Ganz, l'inventeur peut-être, on va mettre encore des points d'interrogation et de suspension de la coccinelle. Pierre Lannoy, on vous remercie grandement de votre participation à cette émission. Et puis, pour vous lire, eh bien, je renverrai sur le site d'Histoire Vivante à quelques-uns de vos articles. Merci encore une fois d'être venu à notre micro, ou plus exactement d'avoir répondu, puisqu'aujourd'hui nous en sommes là où nous en sommes, depuis chez vous, par les moyens de communication d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir à tous et à toutes.